L'équipe de Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre souhaite de joyeuses fêtes à toute la population ainsi qu'à sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année qui se termine. Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre, 118 rue de Quin, Dolbeau-Mistassini, 418-276-8724. Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre vous offre un service à la mesure de vos droits. En cette période de réjouissance, tous les employés de la maison Kia de Dolbeau-Mistassini vous souhaitent un très joyeux temps des fêtes et vous remercient de la confiance témoignée pendant l'année qui s'achève. Que ce moment d'arrêt soit des plus merveilleux et profitez de l'occasion pour fraterniser avec vos proches. Ce sont les vœux de la maison Kia Mistassini, située au 59 boulevard Panoramique à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-1555. Kia, du mouvement, vient l'inspiration. BR Métal, avec ses quatre divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture, désire souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. BR Métal est un employeur important dans le secteur de Dolbeau-Mistassini et continue sa croissance. BR Métal est situé au 353 rue Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 418-276-5888. On fait le retour du baseball avec notre ami Marc Griffin. Salut Marc. Salut, Danny. Marc, d'abord, l'année 2021, comment... D'abord, c'était l'année régulière, c'était le retour dans les stades, un retour de 162 matchs. Et quelle saison de baseball! Moi j'ai vraiment trippé là, jusqu'à la toute fin. Écoute, il y avait le dernier match de la saison, il y avait, je me rappelle, on avait quatre matchs qu'on surveillait en même temps parce que les matchs sont à 15 heures. C'est incroyable, c'est la saison de baseball qu'on a eue. Oui, en termes de baseball, on a été gâtés. Il y a eu des belles surprises, il y a eu des déceptions, évidemment, comme chaque saison, mais tu as raison, tu sais, de la division Est, l'américaine, les Blue Jays qui ont été dans la course jusqu'à la fin, les Red Sox qui ont surpris le baseball aussi. Vraiment, là, ça a été une belle saison de baseball où on a vu encore une fois. C'est les jeunes là, qui s'en viennent prendre beaucoup de place. Ça, c'est très rafraîchissant. Les Rays de Tampa Bay, c'est incroyable, l'équipe. Hein. Je ne sais pas si c'est les futurs expos, on ne sait pas, l'année va nous le dire, mais c'est incroyable comment ils ont développé année après année. C'est encore une fois cette année, il y a eu des jeunes qui sont arrivés, des Wander Franco et ainsi de suite, puis ils ont complètement dominé. C'est vraiment incroyable. Oui, écoute, la recette fonctionne. C'est pas tout nouveau, tout beau. Là. Ça fait quelques années. Là, la recette fonctionne bien. On développe, on repêche, on développe. Mais surtout, là, c'est pas tous les joueurs qui arrivent de l'organisation qui ont été repêchés et développés. Tu regardes un Arozarena, par exemple. Ah ouais. Il est avec les Cards, mais on va chercher des types de joueurs qu'on sait qu'on est peut-être capable d'amener à un autre niveau. Et c'est là la force du système, peut-être, des dépisteurs, des Rays qui disent regarde, ces gars-là vont on va les amener à un autre niveau, puis je trouve vraiment la philosophie est bonne, puis tout le monde tente des unités. Ouais, effectivement. Et du côté de la... On va y aller avec la saison régulière, on va continuer avec la saison régulière. T'sais, on disait tout le temps que ça allait être une lutte entre les Padres et les Dodgers, mais finalement, il y a une équipe qui est arrivée de nulle part, une équipe de vétérans. C'est les Giants de San Francisco qui ont remporté la division Ouest. C'était vraiment surprenant, ça. On l'a vu. C'est vraiment la plus belle histoire. Ouais. Ah, c'est la plus belle histoire de la saison, de cette saison-là, parce que tu l'as dit, une équipe de vétérans. Bon, ça faisait une couple d'années là, qu'on les voyait prendre un peu d'âge, c'était un peu plus difficile, les blessures avaient eu le meilleur un peu sur tout le monde, puis là, whoops, que ce soit les Posey, les Crawford... les Brandon Belt, Langoria qui était là. T'sais, tout le monde a fait un travail remarquable. Oui, on a eu des bonnes saisons de Kevin Gausman, entre autres. Mais c'est une belle franchise, les Giants. Ils ont gagné 3 séries mondiales dans la dernière décennie. C'est comme... Moi, ce que j'ai aimé, c'est que les vétérans se sont tous regardés au camp d'entraînement puis ils se sont dit, hey, regarde, tout le monde parle des Padres, des Dodgers, personne ne parle de nous autres, puis let's go, on y va. Puis là, ils sont partis pour la gloire, puis écoute, ils ont résisté à toute une saison des Dodgers. Mais effectivement, une des grandes déceptions, certes, les Padres de San Diego. C'est là que ça prouve à quelque part. Je pense qu'ils vont rebondir. Je pense, par exemple, Danny, ils vont rebondir, mais c'était quand même une saison assez difficile pour cette organisation-là qui a mis tant d'énergie et d'argent. Dans l'entre-saison l'an dernier. Tu sais, Marc, c'est bien beau avoir les joueurs. Ça te prend un bon chef d'orchestre. Hein? Et ça, Jay Tiger a prouvé que ça prend un bon gérant pour gérer tout ça. Là. Et Jay Tiger a prouvé quelque part qu'il n'y avait pas nécessairement la force pour vraiment diriger un club de jeunes vedettes puis monter les jeunes. Tu as plusieurs éléments dans ça. Un, tu gagnes une équipe, tu perds une équipe, et oui, ouais. Le gérant fait partie de l'équipe, évidemment. Par contre, dans le baseball moderne, c'est pas juste de sa faute. On sait maintenant que les line-up, les ci, les ça, il y a beaucoup de choses qui sont décidées d'avance avec, on va se le dire, là, un groupe de travail, là, que ce soit le directeur général, l'assistant ou le directeur général. Il y a bien du monde là, qui sont beaucoup plus impliqués qu'il y a une dizaine d'années même. À prendre des décisions. Donc, c'est sûr que c'est le gérant qui écope, mais oui, il fait partie soit des solutions ou parfois des problèmes dans une organisation, mais ça reste que c'est beaucoup de talent sur le terrain, c'est pas tout le monde qui a donné ce qu'il avait à donner. C'est une longue saison, hein, ça soit, ce qu'on a eu, on se rappellera malheureusement qu'il y a 2 ans, on a eu une saison écourtée, là, mais lorsqu'on retourne dans une saison de 162 matchs, tu tombes dans un passage à vide, là, ça peut te faire bien, bien mal. Ça a été le cas des Padres. OK. Et du côté également, ben, les Braves de Atlanta ont remporté la Série mondiale. Les Braves qui ont remporté 88 victoires. Et chapeau à Alex Anthopoulos. Lorsqu'on dit que c'est vraiment là, l'un des bons directeurs généraux, c'est probablement l'un des trois meilleurs directeurs généraux de l'histoire, des majors actuellement. À la date limite des échanges, ces trois voltigeurs, Ronald Acuna, également, Marcel Osuna, il était privé de ses 3 voltigeurs. Et il va chercher 3 autres voltigeurs et permet aux Braves de remporter la Série mondiale. Ces 3 joueurs-là ont été des rouages importants dans la conquête de la Série mondiale. Ah, écoute, c'est un impact majeur. Il n'a pas donné de moyens non plus. Tu sais, exact. Et je vais me rappeler toujours, moi, des paroles de Freddie Freeman. La première fois qu'il a pris la parole, il a simplement dit, est-ce que c'était la meilleure date limite de transaction de l'histoire du baseball, ça. Tu sais, tout le monde est conscient que ce que Rosario est venu faire, puis Adam Duval, puis les Jorge Soler qui sont venus, je veux dire, c'est, l'impact a été majeur, là. Et ça a été... Puis tu sais, dans le cas de... Moi, ce que j'aime, là, pour avoir été dans un vestiaire, puis évidemment pas nécessairement au niveau majeur, mais dans un vestiaire quand même, puis lorsque... C'est un support du deuxième étage. Je dis, écoutez, les boys, là. Parce que les Braves, là, se devaient se questionner, là. Ce qu'on vend ou ce qu'on achète, là. À un moment donné, à la date limite des transactions, c'est pas une équipe qui dominait. Mais moi, j'aime le fait que, hey, on est là pour gagner, on est là pour donner de l'espoir. On a une bonne base malgré la perte des joueurs que t'as nommés. Puis, bang, on est parti pour la gloire. Donc, ça prouve que les Braves, c'est pas nécessairement la meilleure équipe en saison, mais c'est la meilleure équipe qui se présente en série. Tu sais, t'as parlé de 88 victoires, on a quand même gagné la Série mondiale, et c'était mérité, parce qu'on a battu de très, très, très bonnes équipes par la suite. Donc, chapeau aux Braves, qui donne de l'espoir à peu près tout le monde, parce que là, l'année prochaine, là, tu tombes à la date limite des transactions, là, t'es dans le coup, t'es 3, 4, 5 matchs derrière, tu dis, écoute, là, l'année passée, les Braves, ils ont gagné la Série mondiale, ils étaient dans la même situation que nous autres. Fait que ça, c'est bon pour le baseball, ce qui s'est passé avec les Braves l'année passée. Là, on va le voir avec Freddie Freeman. Évidemment, c'est le gros joueur autonome qui est du côté des Braves. On dit que c'est Monsieur Brave. Avant le lockout, c'était plus ou moins certain qu'elle allait revenir à Atlanta. J'ai hâte de voir si la situation pour l'an prochain, ça va dépendre beaucoup de Freddie Freeman. Il reste d'autres bons joueurs au premier but sur le marché, dont Adam Rizzo. Donc, ça va être intéressant de suivre le marché des joueurs autonomes quand ça va décoller. Ben, écoute, c'est sûr qu'il y a eu des gros, gros contrats de données avant le lockout, mais il y a beaucoup d'excellents joueurs, effectivement, qui restent. Faut pas oublier que peut-être Freeman, veut retourner avec les Braves, mais il a peut-être demandé, écoutez, je vais juste aller voir ce qui se passe avec le marché, puis ce qu'il y en est. Donc, j'étais un peu surpris qu'il soit pas encore signé, mais en même temps, je comprends comment tout ça fonctionne, puis peut-être parce que je sais que la relation entre Alex et l'agent et Freeman, évidemment, est très très bonne, donc je serais pas surpris évidemment non plus de revoir Freeman signer son contrat une fois le lockout. Du côté des Blue Jays, c'est une très très belle saison, Marc, l'évolution des jeunes, Vladimir Guerrero est finalement arrivé. L'année passée, c'était Fernando Tatis qui est arrivé, on disait tout le temps Tatis, Guerrero sont les deux prochaines vedettes du baseball. Vladimir tardait à arriver, fait que là, il arrive finalement, fait qu'il connaît toute une saison dans le cas de Vladimir Guerrero, là, vraiment à la hauteur de son talent. Puis je pense qu'il a perdu la MVP, il a ralenti les deux, trois dernières semaines, puis c'était pas mal. C'est ainsi pour moi qu'il a perdu la MVP. En tout cas, Il y a plusieurs choses dans le cas de Vlad. Premièrement, il ne faut pas oublier, il y a juste 22 ans. Hein? Ouais. Fait que lorsqu'il est arrivé dans le baseball, les attentes étaient élevées pour un gars de 20 ans. Je trouvais que ça en mettait pas mal, mais effectivement, avec cette maturité qu'il a pris, il est devenu. Donc, c'est un très bon joueur en attaque, mais je trouve qu'au premier but, il devenait. Tu sais, je veux dire, c'est un gant. Tu sais, tout le monde avait des questions, des doutes, mais finalement, il a répondu à ça pas à peu près. Et au point où on pourrait, de fois, ce gars-là, mériter quelques votes pour un gant d'or éventuel. Donc, ça, c'est à suivre. Dans le cas des Blue Jays, effectivement, ça a été une année bien fun à suivre de cette équipe-là, marque des points. Le petit bémol que je veux dire, c'est que tu as deux joueurs qui auraient pu gagner le titre de joueur par excellence, parce que Semien et Vladimir étaient dans le coup. Tu as un gagnant du trophée Cy Young. Tu as eu des saisons remarquables de bien des joueurs, puis tu n'as pas fait les séries. Ouais. Ça veut dire que c'est pas facile de faire les séries dans la division Est de la Ligue américaine. Et là, évidemment, ben, tout est un peu à recommencer. Mais une année d'expérience de plus pour Bichette, une année d'expérience de plus pour Guerrero, Springer qui va être là toute la saison. Tu sais, c'est sûr qu'il va avoir une très, très bonne équipe. Mais, puis juste pour terminer, je comprends que Vlad a eu une petite baisse de régime à un moment donné, puis c'est tout à fait normal. Mais même s'il avait poursuivi, là, il aurait fallu qu'il gagne vraiment la triple couronne pour battre un Shohei Ohtani, parce que bon, c'est plus content. Puis Ohtani est arrivé, puis ben exactement. Ce qu'il a fait est tout à fait remarquable. Puis tu as vu aussi le nombre de votes. Tu sais, il a eu à peu près tous les votes de première place, Ohtani, puis Vlad a eu tous les votes de deuxième place. Donc c'est clair que c'était ça là, qui se dessinait. Malheureusement pour Vlad, ça n'enlève rien à ce qu'il a fait. Mais tout s'enlignait pour que Ohtani l'emporte. Dans le cas des Blue Jays, Marc, il y a deux points majeurs également que moi qui. Écoute, ils ont été éliminés à la dernière journée de l'année et ils ont eu trois domiciles cette année. Ouais, ouais. Buffalo, Donnie. Ah non, ça c'est clair que c'est. Ça a joué, ouais, ça. Oui, oui. Je me rappelle à Sportsnet. Sportsnet avait montré l'affiche des Blue Jays à l'émission d'avant-match à Buffalo et à Dunedin. Puis quand ils sont arrivés à Toronto avec leur domicile fixe, puis ça là, je pense qu'ils étaient juste pour jouer pour 500 quand ils étaient à Dunedin et Buffalo. Puis à Toronto, c'était, je pense, 10-15 matchs au-dessus de 500. Tu sais, ça l'a aidé. Ben, ça écoute, c'est sûr que. Ben non, mais c'est clair que s'ils jouent à Toronto toute la saison, et si un gars comme, mettons. George Springer joue là, 50 matchs de plus, parce qu'il n'a pas joué beaucoup de matchs, là, Springer, là. Mais qui en joue 50 de plus, là, est-ce que tu vas chercher deux victoires avec ça? C'est clair, tu vas chercher deux. Et la relève. Deux autres victoires. La relève au mois d'avril. Ouais, au mois puis la relève, ouais, qui a été difficile. Ah, et c'est pour ça hein, que les saisons de baseball, 162 matchs, c'est long, c'est pas facile. Mais on voit que malgré le nombre impressionnant de matchs, ça joue toujours à l'intérieur de un ou deux, tu sais, une ou deux victoires là, différentes. Fait que c'est plus vrai aujourd'hui de dire ah, on est au mois d'avril, c'est pas grave, on va se reprendre. Ta défaite au mois d'avril fait aussi mal que ta défaite du mois de septembre. Tu sais, les Raphaël Dolis, comment ça nous a coûté de défaite en début de saison, la relève, c'était avec Adam Seaver puis que Richards arrive, là, c'était vraiment. C'est vraiment ça. Tu as parlé sur le plan individuel, Shohei Ohtani, quelle saison? Hein? Enfin, il est arrivé finalement le joueur. Je me rappelle quand il est arrivé du Japon, on disait le nouveau Babe Ruth, mais il a été blessé souvent. Il a eu l'opération Tommy John et ainsi de suite. Mais cette année, il a vraiment livré la marchandise. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Tu sais, c'est un gars qui peut. Moi, j'étais impressionné par un gars comme, par exemple, Fernando Tatis Jr., qui peut frapper un circuit où la balle va sortir de son bâton. À, je sais pas moi, 115 000 à l'heure, puis après ça, dans la même demi-manche suivante, il va attraper un roulant à l'arrêt court, puis il va lancer un plomb à 100 000 à l'heure au premier but. Tu sais, c'est impressionnant. Mais là, d'arriver comme lanceur, puis d'arriver de retirer les meilleurs frappeurs du baseball, puis des rapides, puis on a vu sa balle fronde, puis ce qu'il est capable de faire, puis là, il s'en va au bâton, puis il en frappe plus de 40. Tu sais, c'est... Non, vraiment, là, c'est un phénomène. Je trouve que c'est hyper rafraîchissant pour le baseball de voir ce genre d'athlète-là. J'espère que ça va continuer dans son cas, qu'il va pouvoir aller chercher ses 20 quelques départs. Je pense pas que c'est un gars qui va chercher 35 départs, mais tu sais qu'il va être capable d'aller chercher 20-25 et continuer ce qu'il a fait. Écoute, c'est vraiment phénoménal. Je pense que les gens, parfois, réalisent pas. Puis, je reviens encore à Vlad. Je sais que Vlad a connu une saison remarquable, puis j'ai adoré ce qu'il a fait, mais on peut juste pas passer à côté de ce que Shohei Ohtani a réalisé dans le baseball l'année dernière. Effectivement. Et en terminant, Marc, avant d'aller à la pause, il y a eu plusieurs matchs en point des coups sûrs cette année, hein? Oui, puis tu sais, on a, bon, si on rentre un petit peu dans les dossiers un peu plus sombres, ouais. Tu sais, on a appris même que le baseball jonglait avec la balle, le type de balle, le type de si, bon. Ça crée des doutes, c'est ça qui est un peu tannant, mais ça reste, fait que lorsque tu lances un match en point de coup sûr, balle, pas balle, truquée, ou balle, si, balle, ça, c'est exceptionnel quand même. Pense-y, là, qu'il y a 27 retraits à aller chercher, il n'y en a pas un qui a réussi à mettre une balle en lieu sûr. Puis on sait à quel point un terrain de baseball, c'est immense. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a un volet chance aussi, mais c'est quand même assez exceptionnel de voir des gars réussir de tels exploits-là. OK, on va faire une pause, Marc. On va parler du conflit de travail dans le baseball. Au moment où on lance le podcast, on est toujours en conflit, puis c'est pas prêt de régler. Et on va parler également des gens qui sont décédés durant l'année dans le baseball. C'est toujours qu'il y en a eu plusieurs. C'est-à-dire l'écoute de la rétrospective du baseball avec notre ami Marc Griffin. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation de Lebourg, travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. Et la direction des entreprises Roderick Picquette désire profiter de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Santé, prospérité et paix, ce sont les vœux du propriétaire des entreprises Roderick Picquette, situé au 410 8e Avenue à Dolbeau-Mistassini. Au numéro de téléphone 418-276-2275 ou encore le site web au piquette.ca. On est de retour à danadosport.com, Marc, avec le. Mais avant de parler du conflit, comme il y a beaucoup de joueurs également qui nous ont quittés, on est rendu quasiment. Évidemment, à l'âge qu'on est rendu, les joueurs qui quand on était jeunes, qui étaient nos vedettes, qui étaient nos idoles, sont décèdent. Et il y en a quand même plusieurs à noter. Évidemment, le plus connu de la gang, c'est Tommy Lasorda. Tommy Lasorda qui était le gérant des Dodgers, que tu as bien connu à ton camp d'entraînement, qui t'avait même, quand on lit ta biographie, il t'avait même fait une faveur lors du match des Expos à West Palm Beach, je pense. C'était à West Palm Beach, c'est ça qu'il t'avait fait jouer? Non, c'était à Vero Beach. Ouais, c'était à Vero Beach. C'est ça que Tommy représentait, évidemment, ce qui était un joueur des Dodgers, le fameux Dodger Blue, le fameux. C'était un gars qui avait beaucoup. Il sait que les Dodgers l'ont beaucoup aidé et vice-versa, évidemment. Donc, il était le visage un peu de l'organisation pendant plusieurs années, évidemment. Ouais, effectivement. Ensuite de ça, il est arrivé Réal Cormier, lanceur acadien, francophone, un de tes bons amis également, que lui, il s'est surtout distingué après qu'il est parti de Montréal. Il a trouvé un rôle comme releveur de courte haleine, puis il a fait un bon bout après ses départs à Montréal comme releveur. Ouais, écoute, c'est ça, là, c'est bon jeune, très c'est jeune. Des moments tough, là. Ouais. Ah, écoute, le décès de Derek Aucoin, le décès de Réal Cormier, là, moi, c'est des choses qui viennent me chercher. C'est des gars qui ont même âge que moi, ouais. Avec qui j'ai joué, des anciens coéquipiers, avec qui j'ai eu beaucoup, beaucoup de joie, bon. Fait que c'est sûr que là, je sais pas, c'est des messages qui nous font profiter de la vie au maximum. On n'enlève rien, là, on pleure pas parce qu'une personne décède à 85, 90 ans, que c'est moins triste, mais parce qu'on perd des gens dans la début cinquantaine, là, c'est ça. Je vais dire une chose, là, ça replace là, les priorités aux bonnes places. Puis c'est des gars qui ont laissé personne indifférent ici et je trouve ça tellement triste là. Alors écoute, c'est sûr que ça a été des moments très difficiles là. Surtout qu'il a le tombé, semble-t-il. Je me rappelle d'avoir fait une entrevue. Personne ne savait qu'il était malade. C'est là que tu reconnais un peu la personnalité d'une personne. Réal a toujours été extrêmement réservé à tout point de vue. Ouais. Je me souviens, lui aussi, il avait une décision à prendre à l'époque. Est-ce que je reste au Canada pour rester joueur autonome lorsqu'il était joueur amateur ou je m'en vais dans un collège américain? Puis là, je devrais passer par le repêchage. Puis il avait décidé d'aller dans un collège dans le Rhode Island. Il a finalement été repêché par les Cards de Saint-Louis en cinquième ronde. Son pari avait été bon. Je pense que mon pari avait été bon, mais son pari avait été bon. Puis, c'est un petit gars très réservé. Puis effectivement, écoute, personne ne savait qu'il était malade de la sorte. Okay. Alors, c'est ça qui a secoué davantage. Troisième joueur, troisième nom, un gars que moi, j'écoutais beaucoup parce que les Red Sox, Nessen, je l'écoute beaucoup. C'est pas mal un monsieur Red Sox. Quand il est décédé, les médias de Boston étaient quasiment en deuil. Jerry Remy, qui était commentateur, l'ancien joueur de deuxième but des Red Sox, commentateur analyste au réseau des Red Sox. Écoute, il était très bon, Jerry Remy, comme analyste. Ben, tu sais, c'est sûr qu'un ancien joueur comme ça, populaire, qui devient en plus un commentateur, mais, tu sais, tu t'aperçois, là, pour avoir, bon, évidemment, côtoyé Jacques Doucet longtemps, les gens se rendent, tu sais, les commentateurs, comme un gars comme Jacques, donc Remy, inévitablement, c'est que tu te rends pas compte à quel point ça devient de la famille. Ouais. Tu sais, c'est des gens là, que tu entends quotidiennement, le baseball, c'est tous les jours, l'été, là, pendant 26 semaines, alors tu entends cette voix-là, c'est la voix qui te berce un peu, qui est un amateur de baseball, ben, tu sais, c'est... Fait que ces gens-là, à un moment donné, ben, viennent très, très près du public, puis ça, c'est sûr que ça devient extrêmement déchirant lorsque ces gens-là nous quittent pour un monde meilleur, mais il a laissé sa marque, puis franchement, sa voix, on l'associe immédiatement au Red Sox. C'était M. Red Sox. Il y en a deux autres, je vais parler vite. Bill Verdon, l'ancien gérant des Expos. Quand il était avec les Expos, Marc, on a pas mal la mémoire, donc on s'en rappelle un peu. Il me semble que j'ai lu la biographie de Jacques Doucet sur les Expos. Lui, le décès de Mel Ryan au camp d'entraînement, l'instructeur des frappeurs, ça l'avait baissé beaucoup, je pensais, au niveau de sa joie de vivre, puis il était plus réservé. Hein. Puis quand il est arrivé avec les Expos, je pense que Verdon, ça ne tentait pas plus qu'il faut. Est-ce que je me trompe? Ben, écoute, non, parce que je trouvais que Verdon avait toujours l'air malheureux. T'sais, il avait toujours l'air en maudit. Il avait jamais l'air content. C'était difficile. Puis, tu sais, je veux dire, souvent, tu joues comme c'est mené, puis à un moment donné, si c'est drab, tu sais, drab, peut-être pas de bon terme, mais ça avait l'air lourd un peu pour les années de Bill Verdon à Montréal. Ça n'enlève rien, là, la qualité de la personne ou, évidemment, du gérant qui était, mais c'est l'image que j'avais, là. J'étais pas nécessairement très, très vieux, là, mais je me rappelle quand même très bien de lui, au point où je me disais, ben voyons, tu sais, t'as un Gary Carter tout souriant, mais le gérant, lui, il a pas l'air trop étanté, mais c'est sûr que ça faisait partie de l'histoire des Expos, puis aussitôt qu'on a un personnage de la sorte, là, une personne importante dans l'histoire des Expos, ben ça va toujours nous toucher un petit peu plus. Et Doug Jones, en terminant, qui était un des bons releveurs des années 90, qui est décédé jeune également, à 64 ans, à l'âge de la COVID. Marc, il me reste deux petits points que je veux parler. Évidemment, on va parler de ce fameux dossier de l'arrêt de travail. Mais il y a un point que j'ai oublié, qui est arrivé en 2021, c'est l'éclosion d'Abraham Toro. Abraham Toro qui a été échangé des Astros de Houston aux Mariners de Seattle. On disait tout le temps que Toro, c'était probablement qu'un changement de décor allait être bénéfique, mais explosé comme ça... Il a vraiment très bien fait avec les Mariners de Seattle. Ah, puis il ne faut pas oublier le contexte. Hein, ouais. C'est qu'on échange Graveman, qui est le releveur numéro un. Donc, les gens ne sont pas contents à Seattle. Ouais. C'est quoi cette affaire-là? On pense être un peu dans la course, puis là, tu échanges ton releveur numéro un. Pas évident. Là, Toro arrive, vent de fraîcheur, un impact immédiat. Et, écoute, une semaine après la transaction, là, déjà, on avait, tu sais, Toro, avec ses performances, complètement, finalement, c'est pas une mauvaise transaction. On vient d'avoir un bon joueur, on vient d'avoir un joueur qui est frappeur ambidex, qui peut jouer partout à peu près à l'avant-champ. Fait qu'on a peut-être réalisé la valeur d'un Toro à ce moment-là. Moi, tu sais, l'expression saisir le moment, saisir l'occasion, ben là, Toro, il le fait. Et même si les Mariners ont fait une transaction pour aller chercher un deuxième but, moi je crois que Taureau a écouté les propos de Scott Service, le gérant, évidemment, un ancien receveur avec qui j'ai joué d'ailleurs, mais le gérant actuellement des Mariners. Je l'écoutais parler d'Abraham Taureau. Selon moi, Abraham, il a son poste régulier qui l'attend. Alors, ça sera à lui de le garder. Mais j'ai trouvé ça très, très impressionnant, la façon dont il a réagi. C'est une transaction à l'intérieur même de ta division. C'est pas facile. Puis il a quand même réussi à avoir un impact rapide avec sa nouvelle équipe. Ça, c'est tout en son honneur. Bon, c'est le 15, c'est quoi, le 2 décembre, qu'on est allé en lockout, évidemment. Donc, il y a plusieurs enjeux. Ça grouille pas, puis je pense que quelque part, je m'attends pas que ça grouille avant milieu février. Est-ce que je me trompe? Non, ben tu te trompes pas, non, parce que, ouais. Tu sais, le 1er décembre, là, il se passe rien au baseball le 1er décembre, dans le sens qu'il n'y a pas de pression. Mais là, ce que là, normalement, les receveurs et lanceurs doivent se présenter à mi-février à l'entraînement. Alors là, ça va être un vrai lockout, parce qu'à ce moment-là, là, on... je comprends. Écoute, on n'est pas à la table des négociations, là, mais je m'explique mal, moi, l'attitude des propriétaires d'aller en lock-out en plein hiver comme ça. Tu sais, pourquoi on dit pas, regardez, là, OK, la convention est terminée le premier, j'ai pas de problème, on a une date, là, mais pourquoi qu'on continue pas à signer des gars, hein, pourquoi qu'on continue pas à faire notre travail? Là, toutes les espèces de tournées, de caravanes, de tout est annulé, là, tu peux même pas faire la promotion de ta prochaine saison. LMB Network, LMB Network, as-tu vu la programmation? Ils présentent juste les vieux matchs. Non, mais c'est pas tu peux même plus même pas mentionner pratiquement le nom, tu peux même pas mettre l'image, moi je trouve ça déplorable. Écoute, regarde bien, les propriétaires ont de l'argent, ils l'ont démontré quelques heures même avant le lockout avec les contrats qui ont été signés. J'aime le point des joueurs, dans le sens que les joueurs disent, écoutez, nous on veut plus de parité. On veut un système où chaque équipe a au moins une chance de gagner. C'est vrai, parce que on va se dire, la répartition de la richesse est pas super. Il y a une répartition, mais elle n'est pas super dans le baseball. Donc, d'un côté, il y a de l'argent, de l'autre côté, on veut. Tu sais, il y a les moyens de s'entendre. C'est ça que je veux dire. C'est que, tu sais, c'est pas comme les propriétaires, là, sont. Tu sais, ils ont plus d'argent, ils n'ont plus quoi faire. Il y a 6-8 équipes qui marchent pas. C'est pas ça, là. La situation n'est pas là pendant tout, malgré la pandémie, là. Fait que j'ose croire qu'ils sont assez intelligents pour pas aller dans un lockout, dans une espèce de guéguerre, qui va tomber dans une guéguerre médiatique, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a tellement de possibilités pour les partisans d'aller voir ailleurs, que ce soit dans le sport ou dans les arts ou peu importe. C'est déjà assez fragile comme ça. Mais si tu commences à écœurer ceux qui sont des passionnés, là, tu vas commencer à être dans le trouble. C'est plus comme en 1994. Là. On est ailleurs complètement. Là. Alors, il faut que le baseball sorte gagnant de ce conflit-là qui ne durera pas longtemps, qui n'empêchera pas les camps d'entraînement de s'ouvrir. Mais je t'avoue qu'en ce moment, étant donné qu'il n'y a aucune discussion, mais je me dis que ça ne regarde pas trop. Il y a une rivalité, Marc. Rappelle-toi, à l'été 2020, ça a été long avant de s'entendre pour revenir au jeu. Ouais. C'est une guerre d'ego, hein. C'est entre Robert Manfred et Tony Clark. Incroyable. Et Tony Clark, rappelons les enjeux. T'as les agents libres, on veut passer de 6 à 5 ans, l'arbitrage de 3 à 2 ans, c'est ça? Ensuite, les autres enjeux, c'est quoi? L'enjeu, c'est de tomber joueur autonome au lieu d'avoir un nombre d'années, on voudrait que les joueurs autonomes tombent à un âge précis. OK, c'est pas 6 à 5 ans. Donc, exemple, à 29 ans. Ouais. Non, c'est parce que ça dépend de quel côté tu regardes ça, là. Ouais, okay. Ça dépend. Il y a les joueurs qui proposent une chose, les propriétaires qui proposent une autre chose. Ça. Les propriétaires vont dire, regarde, pourquoi qu'on ne dit pas à 29 ans? Fait que tu arrives dans le baseball, c'est malheureusement pour toi, tu arrives dans le baseball à 26, 27 ans, ben regarde, ou pas malheureusement, mais tu peux tomber agent libre beaucoup plus rapidement parce que tu vas faire 3 ans, tu vas devenir agent libre. Mais le jeune qui arrive à 18, 19, ben lui, ben l'équipe va l'avoir pour au moins 10 ans. Sauf que regarde la façon dont ça s'est dessiné au cours des deux dernières années. Les propriétaires sont prêts à donner beaucoup de sous à des joueurs de 20, 21, 22 ans. Bon, le contrat de Tatis, le contrat de Wanda Franco. Mm. C'est pas, c'est pas des contrats de 10 ans alors que tu as 32, là, puis des espèces de contrats à la Albert Pujols. Ouais. Alors, tu vois qu'il y a une tendance, on est prêt à donner de l'argent aux plus jeunes, mais on veut donner un peu moins d'argent risqué, entre guillemets, aux plus vieux. Là, tu vas me dire, ouais, mais on a donné 40 millions à Max Scherzer, qui fait pas beaucoup de sens non plus. Puis en passant, Max Scherzer, qui est un gars très important de l'association des joueurs, qui gagne 43 millions par année. Puis, ben là, nous autres, on veut plus de parité. Tu sais, j'aime pas l'image que ça donne. Puis, tu sais, rapidement, là, juste te dire une chose. Il y a 45% des joueurs du baseball majeur en 2021 qui n'ont pas fait un million. Ouais. Ils font pas pitié, là. Mais ils font pitié dans le langage sport professionnel, là, il y a 45% des joueurs, donc près de la moitié des joueurs ne font pas un million. Tu as 65% qui font 5 millions et moins. Là. En fait, encore une fois, ils ne font pas pitié, mais c'est juste 2% des joueurs qui font 25 millions et plus, mais qui prennent près de 40-45% de tous les revenus. Donc, c'est là qu'il faut faire attention des fois, parce que c'est pas tous les joueurs de baseball qui font 30-35 millions de dollars. Mais je comprends qu'il faut trouver un moyen de répartir la richesse un petit peu mieux, même si les petits marchés reçoivent beaucoup d'argent de la péréquation. Il faut quand même trouver un moyen que dès la saison commence, que les Pirates de Pittsburgh, les partisans des Pirates de Pittsburgh se disent « on a quand même une chance cette année », chose qu'honnêtement, on ne peut pas dire au cours des 2, 3, 4, 5 dernières. C'est quasiment un club ferme dans la même ligue. C'est deux ligues quasiment dans une. Mais tu sais, te dire « repartir la richesse », je te dirais même jusque dans les ligues mineures, les joueurs. Là, ça s'est amélioré un peu, ça n'est avec on va payer les loyers. Mais, les logements. Les logements, ouais, mais c'est faudrait que c'est encore plus que ça encore, là, pour que les joueurs des ligues mineures gagnent mieux leur vie, je dis pas. Un peu comme la Ligue américaine de hockey. La Ligue américaine de hockey, tu gagnes 60 000, 60, 80 000 par joueur. Ça devrait être ça, à quelque part. Là. Je pense. Ouais, on est pas mal loin de ça, mon cher. Ouais. Marc, il me reste qu'à te souhaiter joyeuses fêtes, toi et ta petite famille. Merci beaucoup de collaborer avec moi de temps à autre. Et au plaisir de se parler en 2022 encore. Ben, pareillement, mon cher Denis, joyeuses fêtes. Puis on va souhaiter une bonne année 2022, puis que non seulement qu'il n'y ait pas de lockout, mais qu'on puisse avoir une belle saison de baseball. Merci. Donc voilà, collaborateur Marc Griffin. Merci, Marc.